Salut les amis, bienvenue sur mon blog. Voici le récit de mon voyage scolaire à Paris. Nous sommes partis lundi 3 avril à 7h du matin. Je suis montée dans le bus et je me suis assise à côté de mon ami Paul. Le chauffeur de bus a remis de l'essence après une heure de route. À midi, nous sommes arrivés à Paris. J'ai vu la Tour Eiffel. Nous avons mangé dans un parc, puis nous sommes allés visiter le Louvre. J'étais fatiguée après cette journée, j'ai dormi dans le bus.